on va commencer maintenant que tout le monde est là. Voilà, donc une séance qui va peut-être être, probablement être assez mouvementée, c'est intitulée enfin, sur la novlangue, et à laquelle avait été invitée une personnalité très connue de notre école, Pierre Encrevé, invité par Christian Topalov spécifiquement. Et Anne Boss, qui travaille à l'IDEMEC, à l'Institut d'ethnographie méditerranéenne, européenne et comparative, à l'Université d'Aix-Marseille, et qui a sorti un livre de sa thèse qui s'appelle « Les managers et leurs discours, anthropologie de la rhétorique managériale ». Et j'avais trouvé au départ que c'était... ça m'intéressait de voir un peu comment est-ce que, puisque c'était ce que faisait Anne dans son livre, est-ce que le discours, ces mots qui nous ennuient, nous, dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui nous froissent, étaient reçus dans le milieu même de, où il était le plus apte à fonctionner, c'est-à-dire dans une agence de com. Voilà, je vais d'abord donner la parole à Pierre Encrevé. Je sais pas. Et ensuite, je donnerai la parole donc à Anne. D'accord, Anne. Alors, il avait été conclu un accord préalable entre Christian et Pierre, c'est qu'on fournissait à Pierre Encrevé un certain nombre de documents dans lesquels il y avait ces termes qui nous indisposaient, je peux dire. Voilà, j'ai essayé d'envoyer des documents. En commençant par les plus récents, parce que je me disais que c'était plus à jour, plus actualisé, il se trouve qu'il n'y avait Pierre n'a trouvé aucun terme dans ces documents récents, très très peu. Donc j'ai cherché des documents plus anciens, les limites de mes archives et de ce que j'ai trouvé sur Internet, parce que je n'arrivais pas à remonter avant 2009. Probablement, je n'ai pas su faire. Beaucoup limité, donc voilà, Pierre se jette à l'eau sans avoir eu... Oh non, je travaille sur tes documents, je tiens compte du fait qu'il n'y a rien. Écoutez, je les laisse la parole, ça sera plus simple.